Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Écrivain et musicologue, Alessandro Barrico a voulu restituer le texte de l'Iliade tel qu'il avait été transmis durant des générations, c'est-à-dire de manière orale. Pour rendre cette entreprise possible dans les conditions de représentation d'aujourd'hui, il a décidé d'adapter ce récit à partir de sa traduction italienne en prose par Maria Grazia Siani. Les coupes qu'il a effectuées portent en premier lieu sur les répétitions, nombreuses dans l'œuvre d'Homère. Il a aussi fait un autre choix plus radical, supprimer toutes les interventions des dieux. Par ce procédé audacieux, l'épopée de cette guerre antique et légendaire révèle une modernité stupéfiante. Dépouillé de ces gestes divins censés signifier l'incommensurable qui souvent se présente dans la vie, l'Iliade montre en effet une surprenante obstination à chercher une logique immanente aux événements dont l'homme est l'artisan ultime. La troisième intervention majeure d'Alessandro Barrico a consisté à transposer le récit sous une forme subjective. Ainsi, ce n'est plus l'aède extérieure et omniscient qui chante les exploits des héros et la douleur des femmes, mais les acteurs eux-mêmes du drame qui racontent de l'intérieur ce qu'ils ont vécu et éprouvé. Premier épisode, Chryséis, Achille. Tout commença par un jour de violence. Il y avait 9 ans que les Achéens assiégeaient Troie. Ils avaient souvent besoin de vivres, ou d'animaux, ou de femmes. Alors ils abandonnaient le siège et se procuraient ce qu'ils voulaient en allant saccager les villes voisines. Ce jour-là, ce fut le tour de Thèbes, ma ville. Ils nous prirent tout et l'emportèrent sur leur navire. Parmi les femmes qu'ils enlevèrent, il y avait moi. J'étais belle quand, dans leur campement, les princes achéens se partagèrent le butin. Agamemnon me vit et me voulut pour lui. Il était le roi des rois et le chef de tous les Achéens. Il m'emmena dans sa tente et dans son lit. Il avait une épouse dans sa patrie. Elle s'appelait Clytemnestre. Il l'aimait. Ce jour-là, il me vit et me voulut pour lui. Mais quelques jours plus tard, mon père arriva au camp. Il s'appelait Chrysès. Il était prêtre d'Apollon. Il était vieux. Il apporta des présents magnifiques et demanda aux Achéens, en échange, de me délivrer. Je l'ai dit, c'était un vieil homme et il était prêtre d'Apollon. Tous les princes achéens, après l'avoir vu et écouté, se prononcèrent pour accepter la rançon et honorer le noble personnage qui était venu les supplier. Un seul, parmi eux, ne se laissa pas subjuguer. Agamemnon. Il se leva et se jeta brutalement sur mon père en lui disant « Disparais, vieillard, et ne te montre plus jamais ici. Ta fille, je ne la délivrerai pas. Elle vieillira à Argos, dans ma maison, loin de sa patrie, tissant la toile et partageant avec moi le lit. Et maintenant, va-t'en si tu veux sauver ta peau. » Mon père, épouvanté, obéit. Il s'en alla, en silence, et disparut là où était le bord de la mer. Alors d'un seul coup, la mort et la douleur tombèrent sur les Achéens. Pendant 9 jours, une multitude de flèches tua des hommes et des animaux, et les bûchers des morts brûlèrent sans répit. Le 10e jour, Achille convoqua l'armée à l'assemblée. Devant tous, il dit « Si les choses continuent ainsi, nous serons contraints, pour échapper à la mort, de prendre nos navires et de rentrer chez nous. Interrogeons un prophète ou un devin ou un prêtre qui sache nous expliquer ce qui se passe et nous délivrer de ce fléau. » Alors se leva Calchas, qui était le plus célèbre d'entre les devins. Il savait les choses qui furent, qui sont et qui seront. C'était un homme sage. Il dit « Quand nous avons offensé ce vieillard, la douleur est tombée sur nous. Agamemnon a refusé la rançon et n'a pas délivré la fille de Chrysès, et la douleur est tombée sur nous. Il n'y a qu'un seul moyen pour la chasser. Rendre à Chrysès cette jeune fille aux yeux brillants, avant qu'il ne soit trop tard. » Ainsi parla-t-il, et il s'assit. Alors Agamemnon se leva, l'âme emplie d'une fureur noire et les yeux enflammés par des éclairs de feu. Il regarda Calchas avec haine et dit « Prophète de malheur, Jamais tu n'as de bonne prophétie pour moi. C'est le mal seul que tu aimes dévoiler, jamais le bien. Et maintenant tu veux me priver de Chryséis, qui m'est plus agréable que ma propre épouse, et qui pourrait rivaliser avec elle en beauté, en intelligence et noblesse d'âme. Je dois la rendre ? Je la rendrai, parce que je veux le salut des troupes. Je la rendrai, s'il doit en être ainsi. Mais préparez-moi tout de suite un présent qui puisse la remplacer, car il n'est pas juste que moi seul, parmi les Achéens, je reste privé de butin. Je veux, pour moi, un autre présent. » Alors Achille dit, « Comment pouvons-nous trouver un présent pour toi, Agamemnon ? Tout le butin a déjà été partagé. Il n'est pas permis de revenir en arrière et de tout recommencer. Rends la jeune fille, et nous te dédommagerons au triple ou au quadruple quand nous prendrons Ilion. » Agamemnon hocha la tête. « Tu ne me duperas pas, Achille. Tu veux garder ton butin pour toi et me laisser sans rien. Non. Je rendrai cette jeune fille et j'irai ensuite prendre ce qu'il me plaira. Et je le prendrai peut-être à Ajax ou à Ulysse. Ou je te le prendrai à toi. » Achille le regarda avec haine. « Homme impudent et avide, dit-il. Et tu prétends que les Achéens te suivent dans la bataille ? Je ne suis pas venu ici pour combattre les Troyens. Ils ne m'ont rien fait, eux. Jamais ils n'ont volé mes bœufs ni mes chevaux. Jamais ils n'ont détruit mes récoltes. Des montagnes pleines d'ombre séparent ma terre de la leur et une mer retentissante. C'est pour te suivre que je suis ici, homme sans vergogne, pour défendre l'honneur de Ménélas et le tien. Et toi, ordure, face de chien, tu t'en moques et tu menaces de m'enlever le butin pour lequel j'ai tant peiné. Non, il vaut mieux que je rentre chez moi, plutôt que rester ici à me laisser déshonorer et à combattre pour te procurer, à toi, les trésors et les richesses. » Alors Agamemnon répondit, « Va-t'en si tu le souhaites. Ce n'est pas moi qui te demanderai de rester. D'autres se feront honneur à mes côtés. Tu ne me plais pas, Achille. Tu aimes les bagarres, l'affrontement, la guerre. Tu es fort, c'est vrai, mais tu n'y as aucun mérite. Retourne donc régner chez toi, je me moque complètement de toi et je n'ai pas peur de ta colère. Et même, je te dirai ceci. Je renverrai Chryséis à son père, sur mon navire, avec mes hommes. Mais ensuite, je viendrai moi-même dans ta tente et je prendrai pour moi la belle Briséis, ton butin, pour que tu saches qui est le plus fort et pour que tous apprennent à avoir peur de moi. » Ainsi dit-il. Et ce fut comme s'il avait frappé Achille en plein cœur, au point que le fils de Pélée s'apprêta à dégainer son épée et il aurait sûrement tué Agamemnon s'il n'avait pas réussi au dernier moment à dominer sa fureur et à retenir sa main sur la poignée d'argent. Il regarda Agamemnon et, plein de rage, lui dit « Face de chien, cœur de cerf, homme lâche. Je jure sur ce sceptre que le jour viendra où les Achéens, tous, me regretteront. Quand ils tomberont sous les coups d'Hector, alors ils me regretteront. Et toi, tu souffriras pour eux, mais tu ne pourras rien faire. Tu pourras seulement te souvenir du jour où tu as offensé le plus fort des Achéens, et tu deviendras fou de remords et de rage. Ce jour viendra, Agamemnon. Je le jure. » Ainsi dit-il, et il jeta à terre le sceptre orné de clous d'or. Quand l'assemblée se dispersa, Agamemnon fit mettre un de ses navires à la mer. Il lui assigna 20 de ses hommes et en donna le commandement à Ulysse le rusé. Puis il vint vers moi, me prit par la main et m'accompagna jusqu'au navire. « Belle Chryséis, dit-il. Et il me laissa retourner chez mon père et dans ma patrie. Il resta là, sur le rivage, à regarder le navire appareillé. Quand il le vit disparaître à l'horizon, il appela deux écuyers parmi les plus fidèles et leur ordonna de se rendre à la tente d'Achille, de prendre Briséis par la main et de l'emmener. Il leur dit, « Si Achille refuse de vous la donner, alors dites-lui que j'irai la chercher moi-même et que pour lui, ce sera pire. » Les deux écuyers s'en allèrent à contre-cœur le long du rivage et arrivèrent au campement des Myrmidons. Ils trouvèrent Achille assis près de sa tente et de son noir navire. Ils s'arrêtèrent devant lui et restèrent sans parler car ils éprouvaient du respect et de la peur face à ce roi. Alors ce fut lui qui parla. « Approchez, » dit-il. « Ce n'est pas vous qui êtes coupable de tout cela, mais Agamemnon. Approchez-vous, sans avoir peur de moi. » Puis il appela Patrocle et lui demanda de prendre Briséis et de la remettre aux deux écuyers pour qu'il l'emmène. « Vous êtes mes témoins, » leur dit-il en les regardant. « Agamemnon est un fou. Il ne pense pas à ce qui va arriver. Il ne pense pas qu'un jour il aura besoin de moi pour défendre les Achéens et leurs navires. Il se moque bien du passé et du futur. Vous êtes mes témoins, cet homme est un fou. » Les deux écuyers se mirent en route, remontant le sentier entre les navires rapides des Achéens tirés au sec sur la plage. Derrière eux marchait Briséis. Belle, elle allait, triste et à contre-cœur. Il les vit partir, Achille. Et il alla s'asseoir, seul, au bord de la mer blanche d'écume, et il fondit en pleurs, avec devant lui cette étendue infinie. Il était le seigneur de la guerre et la terreur de tous les Troyens. Mais il fondit en larmes et, comme un enfant, se mit à invoquer le nom de sa mère. De loin, alors, elle vint et lui apparut. Elle s'assit près de lui et le caressa. À mi-voix, elle l'appela par son nom. « Mon fils, pourquoi t'ai-je mis au monde, malheureuse mère que je suis ? Ta vie sera brève si tu pouvais au moins la passer sans larmes et sans douleur. » Achille lui demanda « Peux-tu me sauver, toi, mère ? Le peux-tu ?» Mais sa mère lui dit seulement « Écoute-moi, reste ici, près des navires, et ne va plus à la bataille. Reste ferme dans ta colère contre les Achéens et ne cède pas à ton désir de guerre. Je te le dis, moi, un jour, ils t'offriront des présents magnifiques et ils t'en donneront 3 fois plus pour l'offense qui t'a été faite. » Puis elle disparut, et Achille resta là, seul. Son âme était pleine de colère pour l'injustice subie, et son cœur se consumait de nostalgie pour le hurlement de la bataille et le tumulte de la guerre. Je revis ma cité quand le navire commandé par Ulysse entra dans le port. On amena les voiles, puis on s'approcha du mouillage à la rame. On jeta les ancres et on fixa les amarres de poupe. D'abord furent déchargés les animaux pour le sacrifice à Apollon. Ensuite, Ulysse me prit par la main et me conduisit à terre. Il me guida jusqu'à l'autel d'Apollon où m'attendait mon père. Il me laissa aller et mon père me prit dans ses bras, bouleversé de joie. Ulysse et les siens passèrent la nuit près de leur navire. À l'aube, ils déployèrent les voiles au vent et repartirent. Je vis le navire courir, léger, les vagues bouillonnant d'écume autour de la coque. Je le vis disparaître à l'horizon. Ils arrivèrent à 5. Ulysse devant les autres, puis Ajax, grand guerrier, et Phénix, aimé de Zeus, et 2 héros, Odios et Eurybate. Moi, j'étais dans ma tente et j'étais en train de jouer. Il y avait cette cithare précieuse que j'avais choisie au milieu du butin, très belle, avec une traverse d'argent. Et je jouais parce que cela consolait mon cœur. Près de moi, Patrocle écoutait, en silence. Puis ils arrivèrent. Il les avait bien choisis. De tous les Achéens, c'était ceux qui m'étaient les plus chers. « Mes amis, » dis-je, et je les fis asseoir autour de moi. Et je dis à Patrocle d'aller chercher du vin. Et il y alla, il apporta du vin, et de la viande, et du pain. Nous fîmes ainsi bonne chère dans ma tente, tous ensemble. Et à la fin seulement, Ulysse leva une coupe pleine de vin et dit « Salut à toi, Achille, divin prince. Ton banquet est somptueux. Mais malheureusement, nous ne sommes pas venus ici pour tes mets et ton vin. Un désastre immense est devant nous, et nous avons peur. Si tu ne reprends pas les armes, il sera difficile de réussir à sauver les navires. Les Troyens arrogants et leurs alliés campent juste sous le mur que nous avions construit pour nous défendre. Ils allument des feux par milliers et disent qu'ils ne s'arrêteront pas avant de fondre sur nos noirs navires. Hector est furieux, terrible. Il ne craint ni homme ni dieu. Il est possédé par une rage brutale. Il dit qu'il n'attend plus que l'aurore pour s'élancer et brûler nos navires dans les flammes et massacrer au milieu de la fumée les Achéens. Il le fera, Achille. Je sais au plus profond de mon cœur qu'il le fera et que nous mourrons tous ici, à Troie, loin de nos maisons. Mais si tu le veux, il est encore temps de sauver les Achéens avant que le mal soit sans remède pour nous tous et aussi pour toi. Mon ami, te souviens-tu du jour où ton père Pélée te vit partir aux côtés d'Agamemnon ? Les dieux te donneront la force, disait-il, mais toi, freine dans ta poitrine ton cœur orgueilleux. Être doux, c'est être fort. Tiens-toi loin des bagarres et des litiges. Et les Achéens, les jeunes et les vieux t'honoreront. Voilà ce qu'il disait. Mais toi, tu l'as oublié. Écoute-moi maintenant. Laisse-moi te dire, l'un après l'autre, les présents qu'Agamemnon a promis de te faire si tu abandonnes ta colère. 7 trépieds jamais allés au feu. 20 bassins resplendissants. 12 chevaux vigoureux, très rapides et vainqueurs de 1000 courses. Il te donnera, Agamemnon, 7 femmes de Lesbos, expertes en travaux parfaits. Les mêmes 7 femmes qu'il choisit pour lui-même le jour où tu détruisis pour lui Lesbos, la cité bien construite. C'étaient les plus belles. Il te les donnera. Et en même temps qu'elle, il te donnera Briseis, qui t'enleva un jour. Et il jurera solennellement qu'il n'a pas partagé son lit avec elle, et qu'il ne l'a pas aimée comme les hommes et les femmes s'aiment. Tout cela, tu l'auras. Et tout de suite. Et ici. Et si le destin nous accorde ensuite de détruire la grande cité de Priam, tu pourras avancer tes prétentions quand on partagera le butin, et charger sur ton navire autant d'or et de bronze que tu voudras. Et 20 femmes troyennes, les plus belles que tu trouveras, à l'exception d'Hélène d'Argos. Tout cela, il te le donnera si tu renonces à ta colère. Et si tu ne peux pas le faire parce qu'Agamemnon t'est trop odieux et que ses présents te sont insupportables, alors aie au moins pitié de nous, qui souffrons aujourd'hui et qui demain pourrions t'honorer comme un dieu. C'est le bon moment pour défier Hector et pour le tuer. Il est possédé par une fureur effroyable. Il est persuadé d'être le plus fort. Aujourd'hui, il ne fuirait pas devant toi. Ne serait-ce pas une gloire immense, Achille ? Fils de Laërte, divin Ulysse a l'esprit avisé. Il vaut mieux que je parle clair et que je dise ce que je pense et ce qui arrivera. Ainsi, nous éviterons de rester là à bavarder inutilement. Il n'y a pas sur la terre un seul Achéen qui pourra me convaincre de quitter ma colère. Agamemnon ne le pourra pas, et vous ne le pourrez pas non plus. Quel avantage y a-t-il donc pour celui qui combat, toujours, sans trêve, contre n'importe quel ennemi ? Le destin est le même, pour le brave et pour le lâche. L'honneur est le même, pour le courageux et pour le couard. Et ils meurent pareillement, ceux qui ne font rien et ceux qui se démènent. Il ne me reste rien, après avoir tant souffert en risquant à tout moment ma vie au cœur de la bataille. Je suis arrivé dans 12 villes avec mes navires, et je les ai détruites. Et je suis arrivé dans 11 autres en traversant la fertile terre troyenne, et je les ai détruites. J'ai rapporté des trésors immenses, et j'ai donné tout à Agamemnon, fils d'Atrée. Et lui, qui restait en sécurité près des navires, dans sa tente, il acceptait tout. Il en gardait beaucoup pour lui-même. Il en distribuait un peu aux autres. Au roi et au héros, il a toujours accordé une part d'honneur. Et tous aujourd'hui l'ont encore, mais pas moi. Moi, il me l'a enlevé, Agamemnon. Il m'a enlevé la femme que j'aimais et qui dort maintenant avec lui. Qu'il la garde et qu'il se divertisse. Mais pourquoi donc devrions-nous combattre pour lui ? Pourquoi a-t-il rassemblé une armée et l'a-t-il conduite jusqu'ici ? N'est-ce pas pour Hélène aux beaux cheveux ? Et alors ? Seuls les fils d'Atrée aimeraient-ils leur femme ? Non. Tout homme noble et sage aime sa femme, et en a soin, comme moi j'aimais la mienne de tout mon cœur. Et peu importait que ce soit une esclave de guerre. Il me l'a prise. Il m'a volé ma part d'honneur, et je sais maintenant quelle sorte d'homme il est. Il ne me trompera pas une nouvelle fois. N'essaie pas de me convaincre, Ulysse. Pense plutôt à sauver les navires du feu. Vous avez déjà fait tant de choses sans moi. Demain, si tu veux, si la chose t'intéresse, regarde sur la mer. Tu y verras mes navires à l'aube, sillonner les lespons, les hommes courbés sur les rames. Et si le Dieu glorieux qui ébranle la terre nous accorde un heureux voyage, j'arriverai 3 jours après dans la terre fertile de Phthi. Tout ce que je possède, je l'ai laissé là-bas, pour venir combattre ici, sous les murs de Troie. Je rentrerai là-bas, et j'emporterai avec moi l'or, et le bronze pourpre, et le fer étincelant, et de belles femmes, et tout ce que j'ai gagné ici, tout, sauf Briseis. Parce que celui qui me l'a donné, celui-là me l'a prise. Allez trouver Agamemnon et rapportez-lui ce que je vous ai dit. Et faites-le à voix haute et devant tous, pour que tous les autres Achéens comprennent quel homme il est, et veillent à ne pas se laisser duper, eux non plus. Je vous le dis, pour impudent qu'il soit, il n'aura plus jamais le courage de me regarder en face. Et je ne viendrai pas à son secours ni pour combattre, ni pour le conseiller. J'en ai assez qu'il aille au diable. Je n'y peux rien s'il est devenu fou. Je me moque complètement de lui. Ses présents, je les hais. Même s'il me donnait 10 fois, 20 fois ce que je possède. Même s'il m'offrait des présents aussi nombreux que le sont les grains de sable. Même alors, il n'arriverait pas à dompter mon cœur. Il doit payer d'abord et jusqu'au bout l'affront abominable par lequel il m'a blessé. C'est chez moi que je veux aller. C'est là que je veux retourner. Y jouir en paix de ce qui m'appartient, avec une femme près de moi, une épouse. Aussi immense soit-elle, les richesses que Troie cache derrière ses murs ne valent pas la vie. On peut voler des bœufs, de grasses brebis, on peut accumuler les chevaux et les trépieds précieux en les achetant à prix d'or. Mais la vie, tu ne peux pas la subtiliser, tu ne peux pas l'acheter. Elle te sort par la gorge et elle ne revient plus. Ma mère, un jour, m'a dit quel serait mon destin. Si je reste ici à me battre sous les murs de Troie, je ne reviendrai plus. Mais ma gloire sera éternelle. Si au contraire je rentre chez moi dans ma terre, il n'y aura pas de gloire pour moi. Mais j'aurai une longue vie avant que la mort en marchant lentement me rejoigne. Je vous le dis à vous aussi. Rentrez chez vous. Nous ne verrons jamais la fin de Troie. Ainsi parlais-je, et tous restèrent silencieux, troublés et étonnés de mon refus. Je l'ai dit, il y avait aussi Phénix avec eux, le vieux Phénix. C'était mon père qui lui avait ordonné de me suivre sous les murs de Troie. Je n'étais qu'un enfant, j'ignorais tout de la guerre et des assemblées. Mon père choisit Phénix et lui dit de rester à mes côtés et de tout m'apprendre. Et Phénix lui obéit. Il était comme un second père pour moi. Et voilà que je le retrouvais de l'autre côté, avec Ulysse et Ajax. Et ça avait quelque chose d'absurde. Alors, avant qu'il ne reparte avec les autres retrouver Agamemnon, je lui dis « Reste avec moi, Phénix. » Dors dans ma tente cette nuit. Je lui dis qu'il pourrait le lendemain partir avec moi. Je lui dis que je ne l'y obligerai pas, mais que s'il le voulait, il pourrait partir avec moi et rentrer chez nous. « Glorieux Achille, » me répondit-il. « Si tu penses vraiment au retour, comment pourrais-je, mon fils, rester seul, sans toi ?» Pendant des années, je t'ai aimé de tout mon cœur. J'ai fait de toi ce que tu es. Te souviens-tu? Les fêtes, tu ne voulais y aller avec personne d'autre que moi. Et chez nous, tu ne mangeais pas non plus si je ne te prenais pas sur mes genoux pour te faire manger, en coupant ta viande, en te versant du vin. Tu étais un enfant, capricieux. Combien de fois as-tu sali ma tunique en me recrachant le vin à la figure? Mais toutes les peines et les fatigues, je les ai vécues avec bonheur. Car tu es le fils que je ne pourrai jamais avoir. Et aujourd'hui, si quelqu'un peut me sauver du malheur, c'est toi. Fléchis ton cœur superbe, Achille. Ne sois pas si impitoyable. Même les dieux fléchissent quelquefois. Ils sont pourtant 1000 fois plus forts et plus grand que toi. Il se laisse adoucir par les prières des hommes qui, pour remédier à leurs propres erreurs, leur offrent des suppliques, des libations et des présents. Les prières sont les filles de Zeus. Elles sont boiteuses, ridées et louches. Mais elles s'essoufflent à suivre les traces de nos erreurs pour essayer d'y porter remède. Elles sont les filles de Zeus. Respecte-les. Si tu les repousses, elles reviendront auprès de leur père et lui demanderont de te persécuter. Agamemnon te supplie de quitter ta colère. Fais honneur à cette prière. Ne te laisse pas posséder par ton démon. Viens défendre les navires. À quoi servira-t-il de les sauver quand ils seront en flammes ? Phénix, mon bon, mon vieux Phénix, n'aime pas Agamemnon si tu ne veux pas être haï de moi qui t'aime. Ne pleurniche pas pour le défendre. Aime ceux que j'aime. Et sois roi avec moi. Et partage avec moi mon honneur. Laisse les autres retourner auprès des Achéens porter mon message. Toi, reste ici pour dormir et demain nous déciderons si nous rentrons chez nous sur nos navires. Ce fut alors qu'Ajax se tourna vers Ulysse et lui dit « Allons-nous-en d'ici. Nous n'obtiendrons rien de cette façon-là. Le cœur d'Achille est orgueilleux et sauvage. Et il est incapable d'écouter l'amitié que nous lui avons offerte. Les Achéens attendent de nous une réponse. Retournons-la leur porter, même si c'est une réponse folle et cruelle. Voilà une bonne idée, Ajax. Retournez voir Agamemnon et dites-lui de ma part que je reviendrai dans la bataille quand Hector sera à mes navires, pas au vôtre. Ici, devant ma tente, je l'arrêterai. Mais pas avant. » Ils s'en allèrent. Et je pouvais les imaginer, les princes Achéens, rassemblés cette nuit-là autour d'un feu, écoutant ma réponse, stupéfaits. Je pouvais les voir, revenir un à un, chacun dans sa tente, silencieux, pour attendre l'aurore couleur de rose, et mendier le don du sommeil. Homère, Iliade, d'Alessandro Baricco. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Léonie Simaga, Amir Elkacem et Nora Krief. Musique originale Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation Claire Chéneau. Réalisation Cédric Ossire.